إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on commence la quatrième partie donc dans les cours de ce séminaire sur la réalité des Khawarij et les causes de leurs égarements. Et donc on commence maintenant, on va terminer ce séminaire avec les deux derniers cours par un livre de Cheikh Sulaiman Al-Ruhayli حفظه الله تعالى. Et c'est le livre qui s'intitule « Al-Usul Sunniya ». Et dans ce livre-là, il parle de plusieurs aspects, de plusieurs questions qui ont rapport avec justement la réfutation des groupes d'égarements. Et j'ai choisi de parler dans le livre d'un chapitre où il donne des exemples, des étapes que suivent les Khawarij pour, dans leur méthodologie. Puis, donc, à la page 80, il donne un exemple du modèle du groupe de Khawarij qu'on appelle Daesh aujourd'hui. Et il dit, le Cheikh, « Inna min al-Qurun, inna min Qurun al-Khawarij allati akhbara anha al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, ma summiya zuran wa buhtanan hadhihi al-ayyam bid-dawlati al-islamiyyati fi al-Iraq wa al-Sham allati tukhtasaru ila Daesh. وهي ليست دولة بل هي بل عصابة مغتسبة لأراض في العراق وأراض في الشام وأراض في ليبيا ونحو هذا، وليست إسلامية بل إجرامية لا تعتمد الإسلام الصحيح وإنما تعتمد الإفساد والإجرام. Donc le cheikh il explique que parmi les cornes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné au sujet des Khawarij, il y en a une de ces cornes qui est apparue à notre époque et qui se donne un nom mensonger et un titre qui n'est pas respectueux de la réalité, et c'est le groupe qui s'appelle lui-même l'État islamique en Irak et en Syrie, hein, fi al-Iraq wa al-Sham. Et en résumé, quand on prend la première lettre de ces quatre mots, hein, Dawla et Islamiyya et Irak et Asham, la première lettre de chacun de ces mots-là, c'est ce qui fait disons l'anagramme, le mot Daesh, hein, le Dal, le Alif, le Ain et le Shin. C'est comme une abréviation de cette appellation qu'il se donne. Et le cheikh il explique que ce n'est pas un état en réalité, c'est un gang, c'est un groupe, hein, un gang qui a pris injustement des terres en Irak et certaines terres en Syrie et d'autres en Libye et ailleurs, et ils ne sont pas un groupe islamique non plus. C'est en fait un groupe criminel. C'est un groupe de criminels et ils ne se réfèrent pas à l'islam authentique. Ils ne se réfèrent qu'au désordre et au crime. Et ça, c'est la réalité. Donc, ils ne méritent pas d'être appelés État islamique. Et parce qu'ils ne sont pas un État, et parce qu'ils ne sont pas islamiques. Et souvent, les koufars, ils vont les appeler par exprès. Ils vont dire État islamique pour essayer de salir l'islam. Et pour essayer de faire croire aux gens que l'islam, c'est ce que ce groupe-là est en train de faire. Et qu'un État islamique, c'est le modèle qui est établi par ce groupe. Alors que qu'est-ce qu'ils font n'a rien à voir avec l'islam. C'est un groupe de criminels. وهم كأسلافهم من الخوارج لا تعرف لهم دعوة إلى الله وإنما يدعون إلى مذهبهم الفاسد. Donc, comme leurs précédents parmi les khawarij, ils ne sont pas connus comme étant des gens qui invitent les hommes à Allah, mais ils ne font qu'inviter à leur voie qui est corrompue. ولا يعرف لهم وقف في صف الأمة في وجه عدو لها أبدا وإنما هم على امتداد التاريخ وفي واقعهم المعاصر خنجر في خاسرة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. Et donc il dit qu'on n'a vu aucun effort et on ne les a pas vus se tenir dans les rangs de la Ummah pour faire face à aucun ennemi de la Ummah. En réalité, comme c'est le cas à travers l'histoire et comme c'est la réalité de leur situation actuelle, ils ne sont qu'un poignard hein, dans le corps de la Umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وَيُوَجِّهُونَ جُهْدَهُمْ إِلَى حَرْبِهَا. Ils ne font que mettre leurs efforts pour faire la guerre à la Umma. وَيُعَطِّلُونَ الدَّعْوَ إِلَى اللَّهِ. Et à cause d'eux, la da'wa, l'invitation à Allah, elle est complètement bloquée. Et même parfois, elle disparaît complètement à cause d'eux. Dans plusieurs pays où les musulmans avaient la liberté d'appeler à l'islam et de clarifier l'islam aux gens et d'inviter à Allah, à cause de leurs actes, hein, on a commencé à mettre des restrictions puis à interdire les gens qui appellent à l'islam réel et qui n'ont aucun rapport avec eux. Hein. Mais bien entendu, les koufars, quand ils voient ces gens-là, ils en profitent pour mettre tout le monde dans le même paquet, hein, injustement, et pour mettre des restrictions hein, à ceux qui veulent appeler au bien et faire le bien. Il dit وَيُبَغِضُونَ الْإِسْلَامَ إِلَى النَّاسِ. Ils font détester aux gens l'islam. Ils font que à cause d'eux les gens détestent l'islam. وَيُشْغِلُونَ الْأُمَّةَ عَنْ خَيْرِهَا وَيُضَيِّعُونَ مَصَالِحَهَا. Donc ils occupent la umma de qu'est-ce qui est bien pour elle. Et ils font perdre aux musulmans ses intérêts, les choses qui sont profitables. وَيَفْتَحُونَ عَلَيْهَا أَبْوَابَ الْفِتَنِ. Ils ouvrent pour la Umma les portes des tribulations et des problèmes. وَيُحَقِّقُونَ لِأَعْدَاءِ الْإِسْلَامِ وَالسُنَّةِ مَا يُرِيدُونَ فِي الْأُمَّةِ. Et ils aident à réaliser pour les ennemis de l'islam et pour les ennemis de la sunna parmi les gens de Bid'a, ce qu'ils veulent faire hein, dans la Ummah. Ils facilitent aux kuffars les problèmes. C'est-à-dire les kuffars, s'ils ont des intentions ou des objectifs hein, qu'ils veulent faire contre les musulmans ou les gens de Bid'a, qu'est-ce qu'ils veulent faire contre les gens de la sunna, eux, ils facilitent ça pour eux. وَلِذَلِكَ لَا تَعْجَبْ من تخاذل أعداء الأمة عن الوقوف في وجوههم بل لا تعجب مما يأتيهم من دعم وإلا فهذه العصابة من أين تأتي بهذه السيارات الجديدة القوية وهذه الأسلحة أليس أنهم خدام أعداء الدين والسنة ينوبون عنهم فيما يريدون من هذه الأمة. Donc il dit, donc ne sois pas étonné que hein, ce soit des gens qui attaquent pas les ennemis de la Ummah et qui se tiennent pas en face qui restent pas en face de leurs des ennemis de la Ummah pour les arrêter de faire du tort aux musulmans. Et en même temps, ne sois pas étonné de voir ce qu'ils reçoivent comme support et comme soutien. Hein? D'où est-ce que ce groupe réussisse à trouver tous ces armements et tous ses véhicules et toutes ces choses qu'il possède, hein, n'est-ce pas que, hein, ils sont en train de justement travailler au service des ennemis de la religion et de la sunna. Ça, c'est la réalité, hein. Et ils sont des représentants, en fait, des intérêts des kuffars, hein, Allah al-musta'an, pour cette ummah. دي وهذا التنظيم اعتمد هذه المراحل التي ذكرناها فهم يقومون بالجذب والتنفير بأسلوب أخطر مما سبق بكثير حيث يستعملون التقنية الحديثة ويقوم على دعوتهم خبراء نفسيون ويؤثرون في من يدعونهم إلى باطلهم. يعني الشيخ الذكر parmi les étapes que les Khawarij suivent, il y a le fait d'essayer d'attirer, puis de faire fuir les gens de la vérité, puis ils utilisent des méthodes qui sont beaucoup plus dangereuses que dans le passé. Les premiers Khawarij, ils avaient des méthodes pour attirer les gens et pour faire fuir les gens de la vérité, et aujourd'hui ils utilisent, tu vois, les moyens qu'ils ont, ils produisent des vidéos, ils font une propagande, et c'est vraiment bien fait, hein. Ils ont des moyens pour y arriver et faire en fait, même ils ont des gens qui sont bien formés, même ils connaissent même la psychologie des gens et ils savent vraiment bien comment présenter les choses pour essayer d'attirer les jeunes qu'ils veulent attirer. Et ils savent comment avoir l'effet qu'ils veulent chez les gens qu'ils appellent vers leur fausseté. Il dit وَقَدْ لَاحَظْنَا بِتَجْرِبَتِنَا فِي الْمُنَاصَحَةِ أَنَّهُمْ يُرَكِّزُونَ عَلَى صِغَارِ السِّنِ وَعَلَى النِّسَاءِ فَهُمْ يُرَكِّزُونَ عَلَى صِغَارِ السِّنِ وَيُنَفِّرُونَهُمْ وَعَلَى الْوَصْفِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عِنْدَ بَيَانِ هَذِهِ الْمَرْحَلَةِ وَيُرَكِّزُونَ عَلَى النِّسَاءِ لِأَنَّ النِّسَاءَ تؤثر فيهن العاطفة. Donc, ils se concentrent sur les jeunes et ils se concentrent aussi sur les femmes. Ça, c'est parmi les choses que le cheikh il a constaté par son expérience. Parce que en Arabie, ils ont ouvert des centres pour, disons, donner la nasiha à ces jeunes. Et pour ceux qui avaient été affectés par ces idéologies des Khawarij, d'essayer de les faire revenir et de leur faire comprendre que ces groupes-là sont des groupes d'égarement. Et parmi ce qu'il a constaté, ce qu'il a observé, il dit qu'il se concentre sur les jeunes et il se concentre beaucoup sur les femmes aussi. Et il dit que il se concentre sur les femmes parce que les femmes, ils sont capables beaucoup de jouer avec les émotions, leurs émotions. Et les femmes sont plus émotives en général, donc ils se concentrent sur ça. ولشدة تأثيرهن في المجتمعات لأن لا سيما المجتمعات المغلقة également parce que les femmes ont une grande influence aussi, en particulier dans les sociétés conservatrices, hein, ils sont capables d'avoir des femmes avec eux, et bien ils savent qu'il y a des hommes qui vont venir, hein, qui vont se joindre à eux comme ça, parce qu'ils utilisent les femmes comme des appâts, hein. الله المستعان. وقد وجدنا أنهم يستعملون النساء في تحقيق هذه المرحلة وهي مرحلة التنفير في المدارس وفي وسائل التواصل ونحوها. Donc ils utilisent les femmes comme moyen dans ces étapes là. Et il dit, le cheikh, il dit dans les moyens dans les réseaux sociaux et autres. Il dit وكذلك وجدنا منهم تحسين أفعالهم وتبريرها ووجدناهم يدعون الشباب ويقولون تعالوا عندنا ونحن نقيم شرع الله. Donc ils essaient aussi d'embellir leurs œuvres, d'embellir leurs actions et de justifier ce qu'ils font. Et on a vu qu'ils appellent les jeunes en leur disant venez vers nous, venez chez nous on applique la loi d'Allah, hein. Et il dit وجربوا, hein, فإذا وجدتم أننا كما نقول تبقون معنا وإذا وجدتم غير هذا رجعتم فإذا جاءوا إليهم لم يمكنوهم من ترك المكان بل يعدون ترك مكانهم ردة. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils disent aux jeunes, yani, nous on applique la religion, venez vers nous. Puis regardez, si ce que vous voyez ça vous plaît, vous restez. Si ça vous plaît pas, vous retournez. Mais une fois qu'ils arrivent là-bas, hein, ils les laissent pas retourner. Et ils considèrent que s'ils retournent, ils sont des apostats. Ils ont quitté l'islam. Ils deviennent kuffar s'ils veulent partir. Hein? Et il dit, قد جلست مع بعض الشباب الذين فروا من هذا التنظيم وعادوا إلى بلادهم فقالوا لي أحدهم فقال لي أحدهم بمجرد أن وصلنا أخذت جوازاتنا وأخذت الأموال التي معنا وسلمت للأمير فأصبحنا لا نستطيع أن نفعل شيئا لا وثيقة ولا مال. Je me suis assis avec certains jeunes qui se sont enfuis de cette organisation et ils sont revenus de leur pays et j'ai dit à un d'entre eux m'a dit juste du moment que tu arrives là-bas hein, ils nous ont pris nos passeports. Aussitôt qu'on est arrivé là-bas, ils nous ont pris nos passeports, ils nous ont pris notre argent et ces choses-là ils les remettent à leur chef hein, à l'amir. Donc tu peux rien faire hein, t'as aucun papier pour prouver ton identité et t'as plus d'argent. Il dit ويقول انا والله ما رايت جهادا وانما رايت عبثا وتكفيرا فاردت ان اسلم من هذا وارجع والشاهد انه ذكر لي ان الله يسر له رؤيه جوازه تحت راس الامير وهو نائم فاخذه وفر وقد قابلته. Donc le cheikh il dit que le jeune, il lui a dit, ce jeune là il lui a dit par Allah je n'ai pas vu de djihad là-bas. Et il dit tout ce que j'ai vu c'est perte de temps, hein, futilité et du takfir. Et quand j'ai vu ça j'ai voulu être épargné et donc j'ai décidé de retourner. Et pour en résumer le cheikh il dit que ce jeune là il lui a mentionné que Allah lui a facilité donc de pouvoir récupérer son passeport lorsqu'il l'a vu sous la tête de l'amir pendant qu'il dormait, il l'a pris puis il s'est enfui. Et le cheikh il dit je l'ai rencontré à Médine. Également il se base sur le takfir. Donc ça on le sait, kullu man yukhalifuhum fa huwa kafir. Tous ceux qui sont pas d'accord avec eux c'est un kafir. Hein? ولذلك يستحلون دماء المسلمين بل يستحلون نساء المسلمات المرتدين بزعمهم ويتباشرون بالسبايا. Donc il dit qu'ils font le takfir et tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux ils les déclarent kafir et ils rendent leur sang, le sang des musulmans licite et ils rendent licite aussi les femmes musulmanes que eux considèrent apostates hein? Allah al-musta'an. Et ils les prennent comme des esclaves. Ils les prennent, ils les considèrent, ces femmes musulmanes, comme des esclaves, alors qu'elles sont libres. Hein? Et alors que c'est des musulmanes. Il dit وَيُبَشِّرُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِقُرْبِ سَبِيِّهِمْ لِنِسَاءِ الْجَزِيرَةِ وَلَا رَفَعَ اللَّهُ لَهُمْ رَايَةً وَلَا حَقَّقَ لَهُمْ غَايَةً. Donc il dit ils se réjouissent les uns les autres de voir que leurs femmes esclaves sont proches des femmes de la péninsule arabe. Tu vois? Et donc le cheikh il dit que Allah n'élève pas leur bannière et qu'ils ne réalisent pas leurs objectifs. Il dit ثُمَّ نَجِدُوا مِنَ النَّاسِ مَنْ يُهَوِّنُوا مِنْ شَأْنِهِمْ وَيَقُولْ أَنْتُمْ تُبَالِغُونَ وَهَذِهِ الْأَفْعَالِ لَيْسَتْ كَمَا تُصَوِّرُونَ. Hein, il y a des gens qui disent ah, il y en a des gens qui veulent diminuer la gravité de, comme s'ils ne veulent pas admettre le problème, que c'est grave. Donc ils essaient d'atténuer l'affaire ou de dire non, c'est pas comme vous pensez, vous exagérez, c'est pas comme vous imaginez, c'est pas comme que ce que vous dites. Et le cheikh dit wala shak anna hadha at-tanzim al-mulaqab بداعش إنما هو نبتة لفكر وثمرة لشجرة وإني لأنبه إلى خطورة أمر وهو أن بعض الناس اليوم يريد أن يصرف أذهان الأمة إلى أن الخطر الوحيد إنما هو في هذا التنظيم المسمى بداعش. ولذلك نجد اليوم بعض الناس لا يتكلم عن القاعدة، بل ربما نظر إلى القاعدة نظرة الرضا، وهذا خطير جدا. فإن النظر إلى الفكر يجب على الأمة أن لا تهمله. Donc le cheikh il dit, il y a aussi une chose qui est importante de mentionner. Il dit, il n'y a pas de doute que Daesh, ce groupe-là, il existe. Et que, en fait, ce groupe, il faut comprendre que c'est une idéologie qui découle d'un arbre. Hein? C'est-à-dire que cet arbre, il a beaucoup de branches. Et c'est juste une des branches parmi cet arbre, l'arbre des Khawarij. Mais en réalité, il y a beaucoup d'autres groupes qui ont cette même idéologie. Comme par exemple, aujourd'hui, le cheikh il dit, j'ai remarqué qu'il y a certaines personnes, ils se concentrent uniquement pour le fait de mentionner le danger de ce groupe qui s'appelle Daesh. Et comme si c'était ça le danger unique. Puis, ils oublient par exemple d'autres groupes qui existent aujourd'hui qui ont la même idéologie, les mêmes principes que eux, comme par exemple Al-Qaïda. Hein? Il y a des groupes aussi en Afrique comme Boko Haram et d'autres. Il y a des groupes maintenant, Allah musta'an, au Mali et en Libye et dans l'Algérie, au Maroc, ils ont tous cette idéologie-là. Donc, il ne faut pas se dire que c'est seulement Daesh. Hein? Et donc, il y en a qui maintenant aujourd'hui commencent à parler de Al-Qaïda comme s'ils sont satisfaits de ce groupe, alors que c'est un groupe qui est pareil. Hein? C'est la même chose, la même idéologie. Donc ça c'est très dangereux, le cheikh il dit, et il faut regarder donc l'idéologie qui est derrière, et c'est donc important pour que la umma ne néglige pas ça et ne prenne pas ça à la légère. وَإِذَا كُنَّا سَنُعَالِجُ النَّوَاتِجْ فَسَتَبْقَى الشَّجَرَةُ وَتَطْرَحُ وَتَنْتِجُ ثَمَرًا بأسماء قد تتعدد وتختلف ولكن النتيجة واحدة. ولذلك أحب مع تنبيهنا على خطورة هذا التنظيم أن ننبه إلى خطورة حصر الخطر في هذا التنظيم فقط، فإن الخطر في الفكر المنحرف الذي يؤدي إلى هذا التنظيم. Donc il dit que il faut voir donc les résultats et il faut voir l'idéologie et il faut comprendre que si on coupe cette branche, eh bien, il y a d'autres branches aussi qui ont cette idéologie-là. Et il y en a d'autres qui vont pousser aussi, qui auront d'autres noms, hein, et qui auront les mêmes idéologies, les mêmes principes. Et donc, il faut pas penser que le danger est seulement dans ce groupe-là, d'accord? Parce que c'est l'idéologie qui est derrière, qui est déviée, qui amène à l'existence de ce genre de groupe. Le cheikh il donne quelques exemples des mots qui découlent de ce groupe et des exemples de leurs caractéristiques. Il dit que ce groupe-là, parmi les mots qu'il présente et le danger qu'il présente, premièrement, رِضَّةُ قُلُوبِ أَصْحَابِهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, la rudesse et la dureté de cœur qu'ils ont contre les croyants. Il dit وَمِنْ خَطَرِ أَصْحَابِ التَّنْظِيمِ أَنَّهُمْ غِلَاظُ الْقُلُوبِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ والمعلوم أن صفات المؤمنين أنهم رحماء فيما بينهم ولكن هؤلاء الخوارج لا تجد في قلوبهم على المؤمنين إلا الغلظة والقسوة وإرادة الشر بهم وتجد أنهم يحرصون على تقتيل هؤلاء المؤمنين ويتلذذون بهذا ويستحلون نساء المؤمنين وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في تعليقه على حديث أبي سعيد يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ولئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وقال وهذا نعت سائر الخارجين كالرافضة ونحوهم فإنهم يستحلون دماء أهل القبلة لاعتقادهم أنهم مرتدون وأكثر مما يستحلون من دماء الكفار الذين ليسوا مرتدين. Donc il dit comme par exemple que ils ont une dureté de cœur envers les croyants. Et ça, c'est le contraire de la caractéristique des musulmans, des croyants, qu'en réalité, Allah il dit, Ruhama ubaynahum. Ils sont miséricordieux entre eux. Les croyants doivent être miséricordieux entre eux. Et donc, cela, c'est le contraire. Les Khawarij, ils n'ont dans leur cœur pour les croyants que de la dureté, de la rudesse et du mal. Hein, ils veulent du mal pour eux. Et c'est pour ça que tu vois qu'ils ne cherchent qu'à les tuer, qu'à tuer les croyants, et ils prennent un grand plaisir, hein, une jouissance dans le fait de tuer les croyants, et ils rendent le sang des musulmans halal, et ils se permettent même, hein, de violer ou d'avoir des rapports avec les femmes musulmanes, Allah al-Musta'an, comme ça, comme ils les prennent en, comme des esclaves, comme ils disent. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit dans ce, à ce sujet dans son commentaire sur le hadith d'Abu Sa'id ibn al-Khudri, que, en disant des Khawarij, qu'ils tuent les gens de l'islam, puis ils laissent les idoles, les gens qui adorent les idoles. Et il dit, si je les aurais rencontrés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si je les aurais trouvés, ces gens-là, je les aurais exterminés comme le peuple de Ad. Hein, comme le peuple de Ad. Et il dit, et ça c'est une caractéristique de la plupart des gens qui sont sortis de la sunna, qui sont sortis, hein, du droit chemin, comme les Rafida, ils ont les mêmes caractéristiques. Ils rendent licite le sang des gens de la Qibla, les musulmans, et ils les considèrent apostats. Hein. Donc ils les considèrent plus graves, plus mécréants que les kuffars qui ne sont pas apostats. Donc c'est ça la réalité, Allah al-Musta'an. Et il dit, وقال الحافظ ابن حجر وكفوا عن أموال أهل الذمة وعن التعرض لهم مطلقا وفتكوا بمن ينسب إلى الإسلام بالقتل والسبي والنهب. Donc Ibn Hajar, il mentionne la même chose, cette caractéristique-là des Khawarij, qu'ils laissent les juifs, les chrétiens et les mouchriquins, et ils s'occupent uniquement de faire du tort et d'attaquer les musulmans, ceux qui sont attachés à l'islam. Et ils les tuent et les prennent en esclavage et ils leur volent leurs biens. Il dit ولهذا تجد هؤلاء الآن يقتلون المسلم الذي يأتي بالشهادتين وبالصلاة وهم مبتهجون ويهللون ويكبرون بل يقتلون المصلين في مساجدهم. Il dit aujourd'hui tu vois que ces khawarij, ils tuent les musulmans qui disent la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, qui font la salat. Hein? Et yani, tu vois qu'ils disent la ilaha illallah, qu'ils font le takbir et tout, puis eux ils les tuent, et ils tuent même des musulmans en train de prier dans la mosquée. Allah musta'an. Wa yarawna hadha min al jihad, ils pensent que ça, faire ça c'est faire le jihad. Allah musta'an. Wa bi awham taridu ala qulubihim al muslima wa dhaka jurmun 'azimun yadulluka 'ala inhirafihim 'an ad-din. سبحان الله لما قال ذاك الرجل الذي هو أصل الخوارج للنبي اعدل أو قال اتق الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويلك أوليس أحق أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله. Donc ça c'est l'exemple qu'on a mentionné, on a mentionné ça hier, quand le premier des Khawarij, hein, il est venu puis il a dit au prophète صلى الله عليه وسلم sois juste, hein, parce que il considérait qu'il n'avait pas été juste dans la distribution du butin. Il a dit, crains Allah. Subhanallah, il dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, crains Allah. Ittaqillah. Yani, subhanallah. L'autre point que le cheikh il a mentionné, il dit, wa adamu nasrihim lil muslim, wa adamu id'afihim lil kafir al muharib. Il dit, le fait qu'ils ne défendent pas les musulmans et ils n'affaiblissent pas non plus les kuffars qui sont en guerre, hein, qui sont des gens qui sont en guerre contre les musulmans. Il dit وَمِنْ خَطَرِهِمْ الْعَظِيمِ كَذَلِكَ أَنَّهُمْ لَا يَنْصُرُونَ مُسْلِمًا وَلَا يُضْعِفُونَ كَافِرًا مُحَارِبًا فَهُمْ لَا يُحَارِبُونَ الْكُفَّارَ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الْمُسْلِمِينَ بَلْ يَشْتَغِلُونَ بِالَّذِينَ يَنْتَسِبُونَ لِلْإِسْلَامِ بِحُجَّةِ أَنَّهُمْ مُنَافِقُونَ وَمُرْتَدُّونَ فَهُمْ نُوَابٌ عَنِ الْكُفَّارِ فِي تَحْقِيقِ مُرَادِهِمْ وَيَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدْعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ. Donc les cheikhs ils défendent pas les musulmans et en même temps ils n'affaiblissent pas les kuffars qui sont en guerre avec les musulmans, ils ne combattent pas les kuffars qui font la guerre aux musulmans. Plutôt, ils se concentrent sur le fait d'attaquer les musulmans eux-mêmes en disant que c'est des hypocrites et des apostats. Donc, ils sont des représentants des kuffars en réalité pour aider les kuffars à réaliser leurs objectifs et ce qu'ils veulent en tuant les musulmans. et en laissant les gens de l'idolâtrie. وهذا يعني عندنا الواقع عندنا الآن. ولو نظرنا إلى سوريا مثلا كان بعض الإخوة من أهل سوريا لما قامت الفتنة يقاتلون فيأتي هؤلاء من خلفهم ويفسدون خططهم ويقتلونهم وتجد الآن مثلا أن إسرائيل قريبة منهم وتقتل المسلمين وهم لا يفكرون في إطلاق رصاصة عليها وإنما كل تفكيرهم وتخطيطهم في أضعاف الدول الإسلامية بذات الشأن وفي محاولة إسقاطها بل في اليمن إخواننا أهل السنة يقتلون وهؤلاء بأسلحتهم وقوتهم لا ينصرونهم بشيء بل يفجرون في أماكنهم ويقتلون أهل السنة. Donc il donne des exemples. Il dit regardez maintenant qu'est-ce qui se passe. Comme en Syrie par exemple. Il dit à l'époque qu'est-ce qui se passait. Il dit que certains de nos frères parmi les Syriens quand il y a eu la fitna ils combattaient. Puis il dit que eux, ils venaient par derrière eux, puis ils détruisaient complètement leur plan et ils les tuaient. C'est-à-dire, c'est Khawarij, ils les tuaient. Et il dit que tu vois en même temps que Israël est bien proche de l'Irak et de la Syrie, et eux, ils sont là-bas, puis ils pensent jamais à combattre Israël, par exemple, ou attaquer Israël. Alors que c'est eux qui font la guerre aux musulmans. Pourquoi ils ne vont pas attaquer Israël Ils savent très bien que c'est eux qui sont les vrais ennemis des musulmans. Allah al-Musta'an. Donc ils ne pensent que à faire affaiblir et attaquer les pays musulmans et à les faire tomber. Et il dit, regardez au Yémen, nos frères parmi les gens de la Sunna qui se font tuer là-bas, et eux ils ont des armes et ils ont de la force, et au lieu de les aider, ils les tuent et ils se font sauter dans différents endroits. Donc, c'est pas des gens qui veulent aider l'islam et les musulmans. إقدامهم على العظائم والتورع عن ما هو دونها. Des fois, tu les vois, ils vont se permettre de faire des choses extrêmement graves, puis pour des petits détails, des choses vraiment subtiles, ils vont en faire des grosses questions. Puis ils vont montrer comme si non, j'ai peur de faire ça. Des choses subtiles. Non, j'ai peur de, je ne veux pas faire ça, je crains Allah. Puis des choses très graves, ils se permettent de les faire. Et l'exemple de ça, le Cheikh dit وَمِنْ خَطَرِهِمْ الْعَظِيمِ كَذَلِكَ أَنَّهُمْ يُقْدِمُونَ عَلَى الْعَظَائِمُ وَيَتَوَرَّعُونَ عَمَّا هُوَ دُونَهَا وَذَلِكَ لِعَمَى أَبْصَارِهِمْ وَبَصَائِرِهِمْ فَلَهُمْ أَبْصَارٌ لَكِنْ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا فِي الْحَقِيقَةِ ولهم بصائر لكنها مظلمة. Donc ils se permettent de faire des choses graves, puis des choses qui sont moindres, ils les font pas parce qu'ils prétendent que par piété ils veulent s'en abstenir. Et ça c'est parce qu'ils sont aveugles, et parce que leur compréhension est nulle de la religion. Donc il dit wa awailuhum marru bi Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arut wa ma'ahu zawjatahu ومعه زوجته ففزع منهم فوقع ثوبه فقالوا أفزعناك قال نعم قالوا لن تراع فسألوه عن حديث ثم أخذوه واقتادوه مع زوجته وكانت حبلى فمروا بخنزير لذمي فضربه أحدهم بسيفه على ظهره فقالوا مال ذمي فذهب إلى الذمي يسترديه حتى رضي ومروا بتمرات ساقطات فأخذها أحدهم فوقع تمرة في فمه فقالوا مال بلا ملك ولا إذن أخرجها من فمه فلما رأى عبد الله هذا منهم يعني وتورعهم عن هذه الأمور قال إنه لا بأس علي منكم وقد رأيت ما رأيت منكم وقد أمنتموني وأنا رجل مسلم لم أرتكب حدثا يعني أنا رأيتكم تورعتم عن مسألة خنزير الذمي وفي التمرة وأنا رجل مسلم ولم أرتكب حدثا وفوق هذا آمنتموني وقلتم لن تراع فأخذوه وذبحوه ثم جاءوا إلى امرأته فقالت لهم اتقوا الله امرأة وحبلة فذبحوها وبقروا بطنها وأخرجوا جنينها سبحان الله. Donc le cheikh il donne l'exemple des premiers parmi les khawarij, qu'est-ce qu'ils ont fait à un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arut. Il était avec sa femme, puis sa femme était enceinte. Alors quand il les avait arrivés, il a été épeuré un peu, hein, il s'attendait pas à les voir, donc il les a vus, ils ont dit, est-ce qu'on t'a fait peur? Il a dit oui. Il dit, t'inquiète pas, hein, on va rien te faire. Et donc ils lui ont demandé à propos d'un hadith, puis ils ont pris le hadith, puis ils ont vu qu'il était avec sa femme, qui était enceinte, donc ils sont partis avec eux. Sur le chemin, ils sont passés près d'un port qui appartenait à un chrétien. Alors, ils l'ont frappé. Il y en a un d'entre eux qui l'a frappé avec son épée sur son dos. Alors, ils ont dit, ah, ça c'est là, quelque chose qui appartient à un dhimmi. Donc, allez voir ce chrétien-là, puis donnez-lui une compensation pour qu'est-ce qu'il a perdu de ce port-là. Alors, ils sont allés voir le chrétien pour lui en donner jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Ils sont passés par la suite près de certaines dattes qui sont tombées d'un palmier, d'un dattier. Et il y en a un qui en a pris, puis il en a mis une dans sa bouche. Il a dit non, ça c'est un bien qui t'appartient pas, puis t'as pas la permission de le prendre. Alors, il l'a sorti de sa bouche, il n'a pas mangé. Et Abdullah ibn Khabbab, quand il a vu ça, qu'ils avaient peur dans ces choses-là de commettre ces péchés, des péchés, des choses même qui ne sont pas des péchés, en réalité. Hein? Et, subhanallah, il a dit, ah ben, dans ce cas-là, je sais que vous n'allez pas nous faire du tort, parce que j'ai vu comment vous avez peur dans ces questions-là, des choses comme ça, vous n'osez pas les faire, et que vous nous avez donné votre protection, puis qu'en même temps, j'ai vu de vous que vous êtes comme ça, puis en même temps, moi, je suis un musulman, je n'ai pas commis aucun péché, et donc vous avez dédommagé pour le porc, et j'ai vu qu'est-ce que vous avez fait avec la date, hein, et moi, je suis un homme musulman, je n'ai pas fait de péché, donc tant que vous m'avez promis votre sécurité, donc il n'y a pas de problème. Et ils l'ont pris, ils l'ont égorgé. Ils sont arrivés vers sa femme et elle a dit, craignez Allah, je suis une femme, puis en plus je suis enceinte. Ils l'ont égorgé et ils ont ouvert le ventre de sa femme et sorti le bébé de son ventre. Allah musta'an. Et cette histoire, elle est rapportée par At-Tabari dans At-Tarikh et par Ibn al-Athir aussi dans Al-Kamil. Et également, elle est rapportée par Ibn Kathir dans Al-Bidaya wa Al-Nihaya. D'accord? Donc, ça c'est pour montrer la réalité de ces gens-là, comment pour des choses qui sont vraiment subtiles, hein, ils font comme si c'était très grave, mais des choses très graves, ils font comme si c'était rien. Tuer un musulman, pour eux, c'est rien. Il dit, وَالْيَوْمِ Il dit, subhanallah, هذا يسترضي الذمي من أجل ضربة لخنزيره ويذبحون المسلم وامرأته ويخرجون ما في بطنها واليوم هذا التنظيم يفعل هذا وقد ذكرت هذا مرارا أنهم قتلوا عسكريا في السعودية بحجة أنه مرتد الله المستعان واختلفوا في تصويره هل يجوز لهم أن يصوروه لوجود الحاجة هنا أو لا يجوز وليس عندهم مشكلة في قتله ولكن اختلفوا في التصوير هل يجوز لهم أن يصوروه أو لا وبعضهم تورع عن التصوير وقتلوا امرأة فجز أحدهم رأسها ورفعه بشعرها واختلف بعضهم يعني ومنذريهم هل يجوز له أن يمس شعرها أو لا يجوز فما توقفوا في جزء رأسها وإنما توقفوا هل يجوز له أن يمس شعرها بعد أن قتلها أو لا يجوز. Il dit que ça, tu vois ces gens-là comment ils sont aujourd'hui, ils agissent comme ça, la même chose. Il dit j'ai rapporté cet exemple-là plusieurs fois. Il dit que ils ont tué un soldat en Arabie Saoudite et ils considéraient que c'était un apostat. Donc ils l'ont tué. Allah al-musta'an. Et ensuite ils ont divergé entre eux. Est-ce que c'est permis de prendre sa photo ou non? Hein, il y en a d'autres qui ont dit non, c'est permis parce qu'on a besoin de faire une photo de lui. Et d'autres ont dit non, c'est pas permis. Donc ils n'ont pas de problème de tuer un musulman, mais ils ont un problème de savoir est-ce que c'est permis de le photographier ou non. Hein? Et certains d'entre eux ont dit non, on ne fait pas de photo, c'est haram. Et la même chose, ils ont tué une femme, puis ils ont coupé sa tête, ils ont détaché sa tête de son corps complètement, ils l'ont décapité. Après, il y en a un qui l'a pris par sa tête par ses cheveux, puis il l'a soulevé comme ça. Donc ils ont divergé entre eux par la suite, est-ce que c'est permis pour lui de toucher à ses cheveux ou non? Parce que c'est des cheveux d'une femme. Donc ils n'ont pas de problème de la tuer, de la décapiter, ça c'est une femme musulmane, ça ne les dérange pas. Mais savoir est-ce qu'ils peuvent la toucher à ses cheveux ou non, ça c'est, hein, c'est grave pour eux. Donc tu vois comment ces gens-là, il y a un problème dans leur compréhension de la religion, il y a un problème dans leur esprit. Hein? C'est des gens malades. Il dit « Wa faqduhum al-ilm wal-adl wal-muru'a wa da'fu 'uqulihim ». Donc ils n'ont pas de science et ils ne sont pas justes. Ils n'ont pas de mœurs, de bonnes mœurs, puis en même temps, c'est des gens qui ont un esprit faible. Et ça, c'est mentionné dans plusieurs hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné à leur sujet, que le cheikh a cité. Et certains de ces hadiths-là, on les a déjà mentionnés. Et parmi les hadiths que le cheikh il mentionne ici, le fait que vers la fin des temps, il y aura al-haraj. Et al-haraj, c'est le meurtre, hein. Donc il y aura beaucoup de meurtres et donc c'est ça qui est mentionné dans ce hadith et que on va retirer des gens, certaines personnes ils vont perdre leur intelligence à la fin des temps. Donc ça c'est certains hadiths, on va passer parce que j'aimerais ça pouvoir commencer à mentionner certaines règles par la suite, donc je vais un petit peu aller un petit peu plus vite. Kalamuhum fi ad-din bid-din min ghayri usulin sahiha. Donc il parle de la religion sans avoir de fondement correct, sans avoir des bases de la religion. Il dit wa khataruhum aidan annahum yatakallamuna fi ad-din wa bid-din min ghayri usulin sahiha. Wa lidhalika qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam 'an al-khawarij يدعون إلى كتاب الله وليس منه في شيء. Il parle de la religion sans avoir aucun fondement de la religion authentique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit justement à propos des khawarij qu'ils appellent au livre d'Allah mais ils n'en font pas partie. Ils n'ont rien à voir du tout avec le livre. Et c'est rapporté par Ahmad et Abu Daoud selon Anas et Abu Sa'id et il est authentifié par Sheikh Al-Albani. Dans Sahih Sunan Abi Daoud. Et il dit ألا ترون أنهم ينادون بتحكيم شرع الله وتحكيم كتاب الله وقال صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم. Ça c'est aussi une autre narration que tu les vois, ils appellent toujours à la loi d'Allah et au jugement par le livre d'Allah. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit à leur sujet: Ils récitent le Coran. Ils pensent que le verset est en leur faveur alors qu'il est contre eux. Hein? Allah al-musta'an. فَهُمْ يَتَكَلَّمُونَ فِي الدِّينِ وَبِالدِّينِ وَلَكِنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَى أُصُولٍ يَرْتَكِزُونَ عَلَيْهَا. Donc ils parlent de religion mais ils n'ont aucun fondement. Il dit وَنَظَرْنَا فِي مَا يَتَكَلَّمُونَ عَنْهُ وَنَجِدُ أَنَّ أَكْثَرَ مَا يَتَكَلَّمُونَ عَنْهُ هُوَ الْحَاكِمِيَّةُ وَالْحُكْمُ بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِذَا نَظَرْتَ في كلامهم وكلام رؤوسهم رأيت من الجهل العجب العجاب ومع ذلك فهم يرون أنهم العلماء في هذا الباب وأن غيرهم جهال. Donc la plupart de ce qu'ils parlent, ils parlent sans fondement, ils n'ont pas de base et ils parlent en particulier de la hakimiyya, du jugement par la loi d'Allah ou de juger par autre que la loi d'Allah. Mais lorsque tu vois leurs paroles Et les gens qui sont à leur tête, tu vois que c'est des gens qui ont une ignorance incroyable et ils considèrent qu'ils sont des savants et que les autres sont ignorants. وهاك شاب وهناك شاب لقيته في المنصحة يعني يكفر وما أخذ شهادة الثانوية فقلت له الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول كذا قال ابن عثيمين لاحظنا عليه أخطاء في العقيدة مع أنه يسألني في مسائل في الطهارة يحسنها صغار طلاب العلم وإذا أوردت عليهم النصوص إذا كانت تخالف ما هم عليه عندهم كلمة واحدة أو جملة واحدة وهذا من المتشابه وإذا ذكرت لهم السنة قالوا قد تكون ضعيفة وإذا أوردت عليهم كلام العلماء قالوا هؤلاء لا يرجع إليهم إن لم يكفروهم وقد قال أحدهم عن الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين هذا أكثر من هذا الله المستعان فليس عندهم علم وليس عندهم أصول تستطيع أن تردهم إليها. Donc le cheikh dit j'ai rencontré un jeune dans les centres qu'ils appellent al-munasaha pour les jeunes qui ont été corrompus par cette idéologie pour essayer de les ramener. Et lui, ce jeune, il faisait le takfir. Il n'a même pas pris un diplôme d'études secondaires. Et je lui ai dit, Cheikh Ibn Uthaymeen, il a dit telle chose. Il dit, Ibn Uthaymeen, on a constaté chez lui des erreurs dans la croyance. Alors que il me pose des questions sur la purification que les plus petits, des étudiants de sciences, ils savent la réponse. Puis lui, il pose des questions sur ces choses-là. Ça veut dire qu'il les connaît même pas. Puis il ose dire de Ibn Uthaymeen qu'il a trouvé chez lui des erreurs dans l'aqidah. Allah musta'an. Et donc il dit, quand je lui ramène des textes du Coran et de la Sunna qui contredisent ce sur quoi il est lui, alors ils ont toujours la même réponse qu'ils disent. Ils disent, ah, ça fait partie des mutashabih. Et tu lui ramènes des textes, des preuves claires et explicites. Lui, il dit, non, ça c'est des choses ambiguës, hein, ou des choses équivoques. Puis, si tu lui ramènes quelque chose de la sunna, il dit, peut-être que c'est faible. Peut-être que le hadith est da'if. Allah musta'an. Il dit, puis si tu lui ramènes des paroles des ulama, il dit, non, on ne retourne pas à ces ulama-là. Hein, s'il ne les a pas encore déclarés, kuffar. Et il dit, une fois, j'ai dit à l'un d'entre eux, à propos de Cheikh Ibn Baz et de Cheikh Ibn Uthaymeen, il a dit, celui-là est plus mécréant que lui. Allah musta'an. Et donc, ils n'ont pas de science et ils n'ont pas non plus de fondements vers lesquels tu peux les ramener. Hein? Parce que quelqu'un qui est comme ça, là, vers quoi tu vas le ramener? Tu lui ramènes un verset, il dit c'est mutashabih. Tu lui ramènes un hadith, il dit oh, c'est faible. Tu lui ramènes une parole de ulama, lui il est kafir. On ne retourne pas à lui. Donc, on retourne à quoi? Uniquement à sa passion. Rien d'autre. Il n'a pas d'autres références. Voilà chacun comme قرر أهل العلم. Et en passant, juste par exemple, ça m'est arrivé de rencontrer certains jeunes comme ça. Et quand je leur rappelle, je leur mentionnais des paroles de ulama, ils disent non, on ne prend pas de lui. J'ai dit, dans ce cas-là, on prend de qui? C'est qui vos ulama? Ils me disent, ah, mais tu ne les connais pas, ils sont cachés, ils sont quelque part dans les montagnes, ils sont dans le djihad. Des choses comme ça. Il dit, subhanallah, c'est qui vos ulama? Est-ce qu'ils sont connus? Est-ce qu'ils ont des livres? Est-ce qu'ils ont des fatawas? Est-ce qu'on a déjà entendu parler d'eux quelque part? Rien. Donc c'est ça, en fait. Ils n'ont pas de ulama. Et ils se font leur propre compréhension. Et si tu n'as pas la même compréhension qu'eux, alors tu n'es pas un alim, peu importe. Hein, que tu sois parmi les savants. Donc, et même donc le cheikh dit وهذا لا شك كما قرر أهل العلم من مكائد إبليس. Ça c'est des ruses du shaitan. Shaitan il a joué contre ces gens là pour les défier complètement, et le shaitan leur a fermé toutes les portes par lesquelles ils pourraient justement apprendre et avancer dans leur religion. Non, tout est fermé, et donc le shaitan il a vraiment réussi à les égarer et à les aveugler. يعني أن إبليس يلقي على أحدهم الشبه ثم يقول له أنت أنت ومن مثلك. أنت أنت ثم يقول له أنت أنت ومن مثلك، وأنت صاحب الغيرة، وأنت صاحب العلم، وأنت من أهل الثغور الذين يستفتون في الجهاد وليس علماء المكيفات، فيختر بنفسه ويزين له إبليس الباطل فلا يجد علما يرجع إليه ولا يجد علماء يرجع إليه. Donc le shaytan lui lance des shubuhat et il lui dit c'est toi et ceux qui sont comme toi qui sont corrects seulement, hein. Et c'est toi qui as al-ghayra, t'as la jalousie pour la religion, et c'est toi qui as la science, c'est toi qui fais partie des gens qui défendent la religion, et c'est vers toi qu'on doit revenir pour les fatwas dans le djihad. Hein? Et les autres, c'est des ulama, des comme ils appellent ulama ul-mukayifat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ul-mukayifat, c'est les airs climatisés. Donc, là, vous êtes les savants de l'air climatisé. C'est-à-dire, comme si pour eux c'est un péché de vouloir rester à la fraîcheur et pas endurer la chaleur. Hein? Donc, ils ont fait de ça un blâme. Et donc, ils appellent les ulama de l'air climatisé. Et donc, il se trompe. Hein? Il devient trompé lui-même par son ego. Et le shaitan lui embellit le faux. Puis, il n'a aucune référence par la suite. Ni de science, ni de ulama vers qui il peut retourner. Aussi, le cheikh, il mentionne qu'ils se font eux-mêmes, des éloges. Hein? Ils se glorifient eux-mêmes. Et ils critiquent les autres qui sont meilleurs qu'eux. Et le cheikh il dit وَمِنْ خَطَرِهِمْ أَنَّهُمْ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ وَيَطْعَنُونَ فِي مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُمْ وَيَقُولُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَوَّلُ مَنْ ضَلَّ فِي ذَلِكَ هُمُ الْخَوَارِجَ الْمَارِقُونَ حَيْثُ حَكَمُوا لِنُفُوسِهِمْ بِأَنَّهُمْ الْمُتَمَسِّكُونَ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّتِهِ وَأَنَّ عَلِيًّا وَمُعَاوِيَةَ وَالْعَسْكَرَيْنِ هم أهل المعصية والبدعة واستحلوا ما استحلوه من المسلمين وهذه طريقة الخوارج إلى اليوم وهذا خطر عظيم. Donc, le cheikh il dit que ils se font des élages à eux-mêmes, ils se disent être les références pour l'islam, les musulmans, et ils critiquent, ils dénigrent ceux qui sont meilleurs qu'eux. Et cheikh l'islam Ibn Taymiyyah il a dit les premiers qui ont égaré à ce sujet-là, qui se sont égarés à ce sujet, sont les Khawarij, Al-Mariqoun. On les appelle les Khawarij, on les appelle aussi Al-Mariqoun. C'est-à-dire ceux qui sont sortis, hein, qui sortent de la religion, Al-Mariqoun. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à leur sujet, Yamruquna min ad-din. Ils sortent de la religion, ils quittent la religion. Donc on les appelle Al-Mariqa, ou Al-Mariqoun. Et donc il dit, حيث حكموا لنفسهم لنفوسهم ils ont jugé que leurs âmes, que leurs personnes, c'est eux qui s'accrochent au livre d'Allah et la sunna, et que Ali et Muawiya et les deux armées, hein, que eux c'étaient les gens du péché et de l'innovation, et ils ont rendu le sang des musulmans halal. Donc ça c'est leur voix aujourd'hui encore. ولهجهم بالتوحيد التكفير وتحقيقه إنما يكون بسبب الولاة والتكفيرهم. En fait, le cheikh il dit que pour eux le tawhid c'est le takfir. Quand tu regardes en réalité leur compréhension du tawhid, c'est ça en fait, c'est le takfir. La seule raison pour laquelle ils parlent du tawhid, c'est pour faire le takfir des musulmans, soit par rapport à la hakimiyya, hein, le jugement par la loi d'Allah, ou bien yani de faire le takfir des musulmans en disant qu'ils n'appliquent pas al-wala wal-bara ou des choses comme ça. Donc, le tawhid chez ces gens-là, c'est juste un prétexte pour faire le takfir. Hein, et ils parlent du tawhid sans aucune compréhension ni aucune connaissance. Et c'est ça qui est grave quand tu les vois se référer à des livres comme des livres de Cheikh Ibn Taymiyyah ou les livres de Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab et les élèves du Cheikh et de ses descendants, alors qu'ils n'ont pas du tout les mêmes fondements que Ibn Taymiyyah ni les mêmes fondements que le Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab. Aucune relation. Et j'avais ramené avec moi une risala qui avait été écrite à ce sujet-là, c'est les positions des imams de la da'wah, des élèves de Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab et de ses descendants, qui ont réfuté les fondements des Khawarij sur les différentes questions sur lesquelles les Khawarij aujourd'hui prétendent les suivre. Et donc, c'est en fait une thèse de doctorat, mais c'est trop détaillé pour faire comme dans un séminaire. Donc, j'aurais voulu ramener quelques points de ce livre-là, mais c'était trop détaillé pour le présenter. Donc, mais sinon, le livre, il fait à peu près... c'est un livre épais comme ça. Tu vois, c'est à peu près... 600-700 pages ou plus même. Donc, c'est pour dire qu'en fait, il se réfère à des savants, mais ça ne veut pas dire que le fait de se référer à quelqu'un, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on a raison de se référer à lui, parce que la raison pourquoi il se réfère à eux, c'est pour essayer de se donner une crédibilité, de se référer à ces savants-là, de faire croire aux gens qu'ils se réfèrent aux ulama de la sunna et aux gens de la salafie, alors qu'en réalité ils contredisent ces savants là ils contredisent Ibn Taymiyyah, ils contredisent Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab et ses descendants et ses élèves. Donc, ça c'est clair, parce que la voie de ces mashaykhs là, de ces ulama, c'était de réfuter les khawarij, et non pas d'approuver leur méthodologie ou leurs idéologies. Et il y a plusieurs preuves et exemples de ça dans leurs livres. Donc le cheikh il dit وخطرهم على الأمة وأنا أركز على النقاط التي ينبغي أن نتنبه لها لأن بعض الناس قد يروج أو نعم يروج أمر هؤلاء الخوارج عليهم من هذه النقاط أنهم يلهجون بالتوحيد وأنهم الموحدون. يعني on a vu même en français par exemple dans certains moment donné, ils avaient des sites. Et quand tu regardais les titres de leurs sites ou les noms de leurs sites, c'était tous des titres qui indiquent un attachement au tawhid ou l'amour du tawhid. Soit le site s'appelle le tawhid, ou bien le site s'appelle la voix d'Abraham, ou le site s'appelle des noms comme ça. Donc quand tu regardes le site, tu réalises après que c'est juste un site de takfir. Qui utilisent ces choses-là pour faire le takfir seulement. Et donc il dit le danger de ces gens-là qu'ils représentent pour la Ummah, un de leurs dangers, il dit, je vais me concentrer sur un point qui est important à noter, c'est que certaines personnes parfois ils disent à propos de ces gens-là que ils sont confus du fait que ces khawarij utilisent l'appellation du tawhid, ou qu'ils sont des gens du tawhid. وَيَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يَدْعُونَ إِلَى التَّوْحِيدِ. Ils prétendent qu'ils appellent au tawhid. وَيُعَظِّمُونَهُ. Et qu'ils ont du respect pour le tawhid. وَهَذَا قَدْ يَرُوجُ عَلَى بَعْضِ مَنْ لَا يَعْرِفُ حَالَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ويقول ما شاء الله يدعون إلى التوحيد وتحقيق لا إله إلا الله بينما هم في الحقيقة لا يعرفون معناه الصحيح. Donc il dit, quand il y a des gens qui voient ça, que ces gens-là parlent toujours, rappellent le mot tawhid, tawhid, tawhid, les gens ils disent, ah ben ces gens-là, c'est des gens qui appellent à la ilaha illallah et qui appellent à réaliser le sens du tawhid. Alors que si tu ne connais pas leur état, tu vas être trompé par ça. Et la réalité, c'est qu'ils ne connaissent pas la signification exacte et réelle du tawhid, et ils considèrent que tous les musulmans sont en dehors du tawhid, justement, que tous les musulmans sont des kuffar. Et il dit donc, فَالتَّوْحِيدْ عِنْدَهُمْ هُوَ التَّكْفِيرْ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا بَيِّنَةٍ. Donc le tawhid pour eux, ça veut dire en réalité de faire le takfir des musulmans sans science et sans preuve. وَتَحْقِيقُ التَّوْحِيدْ عِنْدَهُمْ سَبُّ الْوُلَاتْ وَتَكْفِيرُهُمْ. Donc, de concrétiser le tawhid, de réaliser le tawhid ou purifier le tawhid pour eux, c'est d'insulter les dirigeants et de faire leur takfir. Parce que souvent, tu les entends, par exemple, ils vont dire il faut faire le kufr bit tarout. Tu dois renier le tarout. Et le tarout, c'est le shaitan ou tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Ou, par exemple, celui qui juge par autre que la loi d'Allah ou des choses comme ça. Donc pour eux, c'est les dirigeants. Hein, le tarot, c'est les dirigeants. Et donc, si tu ne fais pas le takfir des dirigeants, pour eux, tu n'as pas compris le tawhid, tu n'as pas établi le tawhid, donc tu es un mushrik. Hein? Ça, c'est leur compréhension à eux. Donc, le tawhid, pour eux, c'est de faire le takfir des dirigeants. يَقُولُونَ فُلَانَ مُوَحِّدْ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَصُبَّ الْوُلَاتُ وَيُكَفِّرُونَهُمْ. Donc, quand ils disent de quelqu'un, lui, c'est quelqu'un qui est muwahhid, c'est-à-dire sur le tawhid, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Ça veut dire, lui, c'est quelqu'un qui insulte les dirigeants. Il fait le takfir des dirigeants, et donc il est muwahhid. Hein? حتى ولو لم يعلموا من دينه شيئا يكفيه توحيدا أنه يسب الولاة ويكفرهم. C'est-à-dire, même si la personne elle connaît rien de l'islam, rien de la religion, rien du tawhid, mais elle insulte les dirigeants et elle fait le takfir des dirigeants, pour eux ça y est, c'est un muwahhid. Il a compris le tawhid. Parce que c'est ça pour eux comprendre le tawhid. ومع هذا مع أن هذا الشيخ يقول مع أن هذا سوء في نفسه كما سيأتي إن شاء الله لكنهم مع ذلك لا ينظرون إلى ما عند الرجل وما دام أنه يسب الولاة ويكفرهم فهو موحد وهو صاحب التوحيد. Donc يعني الله المستعان. Ça c'est mauvais en soi. Ça, c'est quelque chose qui est mauvais en soi. Et on va en parler. Il dit, le cheikh, plus tard, il dit, mais ces gens-là, ils ne regardent pas qu'est-ce que la personne a, en réalité, comme compréhension et comme connaissance de l'islam et du tawhid. Mais du moment que la personne insulte les dirigeants, il les déclare kuffar, pour eux, c'est quelqu'un qui a compris le tawhid. Et ça, je l'ai vu. Des gens comme ça, j'en ai vu. J'en ai rencontré. C'est la réalité. Et ils ne vont pas enseigner à la personne rien du tawhid. Juste, il lui enseigne juste de dire un tel dirigeant c'est un kafir, et lui c'est un kafir, et lui c'est un kafir. Et si la personne elle comprend, elle répète ça, elle est d'accord avec eux sur ça, ça y est, t'as compris le tawhid toi. Mais si t'as étudié Kitab al-Tawhid, t'as étudié Kitab al-Tawhid avec les ulama, est-ce que Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Ibn Baz, ils n'ont pas étudié Kitab al-Tawhid? Hein? J'ai entendu, je ne sais pas si j'ai le chiffre exact, mais il paraît que Cheikh Ibn Baz, il a relu le Kitab al-Tawhid plus que 60 fois. Kitab al-Tawhid. Et bien entendu, il le connaît par cœur. Hein? Et il l'a enseigné combien de fois? Donc tu vas dire que lui, il ne connaît pas le Tawhid? Pour les Khawarij, Cheikh Ibn Baz, il ne connaît pas le Tawhid. Il n'a pas appliqué le Tawhid. Parce qu'il ne fait pas le takfir des dirigeant, Allah musta'an. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تسمية أهل البدع لأنفسهم بأسماء لا يستحقونها وهذا شعار عند أهل البدع كما تسمى الخوارج أنفسهم المؤمنين دون بقية أهل القبلة ولذلك تجد أهل البدع يتسمون بأسماء لا تجد حقيقتها فيهم وينفون هذه الحقيقة عن بقية أهل القبلة فقد يتسمون بأهل السنة وإذا فتشت في حالهم لا تجد سنة وقد يتسمون بأهل التوحيد والعدل وإذا فتشت في حالهم لا تجد توحيدا ولا عدلا وهؤلاء الخوارج المعاصرون يرددون كلمة التوحيد وينفون التوحيد عن غيرهم وهم لا يعرفون معنى التوحيد. Donc le cheikh il dit, Ibn Taymiyyah il a mentionné ça. Ibn Taymiyyah rahimahullah il dit que les gens de bid'a ils s'appellent par des noms eux-mêmes qu'ils ne méritent pas. Et ils les prennent comme, et ça c'est une des caractéristiques distinctives des gens de bid'a, comme les khawarij sont appelés eux-mêmes les croyants. Et ils considèrent que tous les autres ne sont pas des croyants comme eux. Qu'il y a juste eux qui sont des croyants parmi les gens de la Qibla. Et donc ça c'est une de leurs caractéristiques aux gens de Bid'a, ils agissent comme ça. Donc par exemple, le Cheikh il dit que tu vas trouver des gens de Bid'a par exemple qui vont se donner comme nom, des noms, mais ils n'ont pas la réalité de ces noms-là. Et ils nient cette réalité-là du reste des musulmans. Peut-être qu'ils vont se donner le titre ou le nom de Ahl Sunnah. Ils vont dire, nous sommes Ahl Sunnah. Mais quand tu vérifies et que tu regardes leur état, tu constates qu'il n'y a pas de sunna chez eux. Et tu vas voir, par exemple, des gens, ils vont s'appeler les gens du tawhid et de la justice. Ahl al-tawhid wa al-adl. Et quand tu regardes chez eux, tu regardes ni tawhid, ni justice. Et donc, les khawarij contemporains, hein, ils répètent le mot tawhid, tawhid, et ils nient que les autres puissent avoir du tawhid, alors qu'ils ne connaissent même pas sa signification. Il dit, وَلِهَذَا يَقُولُ أَحَدُ مُنَظِّرِهِمْ إِنَّ النَّاسَ مِنْ غَيْرِ فِي غَيْرِ الْمَمْلَكَةِ الْعَرَبِيَةِ السُّعُودِيَةِ أصفى توحيدا من الناس في المملكة العربية السعودية. لماذا؟ يقول لأن أولئك يتبرؤون من الحكام، يعني الناس في السعودية مع أنه لا يوجد فيها قبر يعبد من دون الله عز وجل، ولا يوجد فيها الشرك، ويوجد التوحيد، والعلماء يقررون التوحيد كما في الكتب والسنة، كما في الكتاب والسنة. هؤلاء توحيدهم ليس بصاف، يعني عامة الناس في السعودية، وغيرهم أصفى توحيدا منهم. أتدرون لماذا؟ يعني لماذا يقولون هذا؟ لأنهم لا ينظرون إلى التوحيد النظرة الشرعية، وإنما ينظرون إلى التوحيد بهذا التفسير، وهو سب الحكام وتكفيرهم. Donc pour donner un exemple, le Cheikh il dit qu'il y a un des théoriciens de ces khawarij, de ces groupes aujourd'hui, ils disent par exemple, les gens dans des autres pays autres que le royaume de l'Arabie Saoudite, leur tawhid est plus pur que les musulmans de l'Arabie Saoudite. Et quand on leur demande pourquoi leur tawhid est plus pur, ceux qui sont en dehors de l'Arabie Saoudite, leur tawhid est plus pur, pourquoi? Ils disent parce que les autres musulmans dans les autres pays musulmans en dehors de l'Arabie, ils se désavouent de leurs dirigeants. Mais en Arabie Saoudite, hein, ils se désavouent pas de leurs dirigeants. Alors, le cheikh, il dit, malgré qu'en Arabie, il n'y a pas de tombeaux qui sont adorés en dehors d'Allah, qu'il n'y a pas de présence apparente de shirk, qu'on trouve le tawhid et que les ulama qui sont là-bas enseignent le tawhid selon ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, mais selon eux, leur tawhid, il n'est pas pur. Hein? Il dit, je veux dire par cela, hein, les gens en général en Arabie, selon eux, leur tawhid, il n'est pas pur. Mais les autres, leur tawhid, il est plus pur à cause de ça. Donc tu vois comment ils ont une compréhension qui n'a rien à voir avec l'islam au sujet du tawhid. Il dit, وَأَنَّهُمْ لَا يَفُونَ بِعَهْدٍ وَلَا يَشْكُرُونَ نِعْمَةً وَلَا يَأْمَنُ لَهُمْ جَانِبٍ من لهم جانب. من خطر الخوارج عموما وخوارج عصرنا على وجه الخصوص أنهم لا يفون بعهد ولا يشكرون نعمة ولا يؤمن لهم جانب. ففي زمن علي رضي الله عنه ظفر علي رضي الله عنه ببعضهم وتمكن من رقابهم، ولكنه أنعم عليهم فأكرمهم وعفى عنهم وأعادهم إلى أماكنهم، ومع ذلك عندما بلغهم نبأ مقتله فرحوا وأصبحوا يهللون ويكبرون ويتباشرون. واليوم هؤلاء الخوارج سواء، منهم من خرج إلى تلك العصابات أو من يحمل فكر الخوارج وهو باق في بلده، تجده لا يشكر معروفا، ومهما أنعمت الدولة عليه تجده لا يشكر معروفا ولا خيرها. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون الحرورية، يعني أي الخوارج الذين ينقضون عهد الله بعد ميثاقه. فمن صفات الخوارج الكبرى أنهم نقاضون للعهود ولا يقفون عند عهد أبدا. Donc le cheikh il dit que les khawarij en général et en particulier à notre époque, ils ne respectent aucun engagement et aucune entente. Ils ne remercient aucune grâce et on peut pas leur faire confiance. Hein? À l'époque de Ali radiallahu anhu, il a fait miséricorde à certains d'entre eux. Et il pouvait les exécuter, mais il les a laissés. Hein? Il les a laissés et il leur a il les a pardonnés. Et il les a ramenés à leur, là où ils habitent. Il les a renvoyés chez eux. Quand ils ont appris ces Khawarij-là que Ali a libéré, hein, quand ils ont appris sa mort, ils se sont réjouis de sa mort et ils ont commencé à faire le takbir et à se réjouir. Aujourd'hui, les Khawarij sont comme ça aussi, la même chose. Quand ils sortent de, même quand ils sont sortis de ces groupes, hein, qui ont ces idéologies, et qu'eux, ils sont revenus dans leur pays, eh bien, tu vois qu'ils ne sont pas reconnaissants pour le bien que le pays, par exemple, leur pays a fait pour eux. Et ils ne reconnaissent pas, hein, aucun bien ou aucune chose qu'on puisse leur faire de bien. Et les Sahaba, ils disaient, à propos des Khawarij, Al-Haruriya, ne respectent, ils brisent tous les engagements que Allah a ordonné, hein, de garder après les avoir contractés. Et ça, c'est une de leurs grandes caractéristiques, qu'ils brisent les engagements et les ententes. Et ils ne respectent aucune parole, aucun engagement. Et on ne peut pas donc leur faire confiance. Et on voit l'exemple de ça dans l'histoire avec Abdullah ibn Khabbab et d'autres. Hein? On va s'arrêter, ok? On va s'arrêter maintenant pour manger. Puis on continuera après, Inch'Allah, la dernière partie. بإذن الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى بعد صلاة المغرب إن شاء الله